mais je m'en tape. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Je m'en tape, une émission dédiée à la découverte du développement personnel pour créer une vie qui vous ressemble en développant vos savoir-être. Je suis Émilie Adam, coach en développement personnel et professionnel à Nancy, et je suis heureuse de vous présenter cette chronique pour vous initier au développement de vous-même. Alors le principe, il est simple, il est de vous présenter un thème sur un sujet pendant une dizaine de minutes et puis des éléments concrets pour avancer personnellement. Alors c'est parti, aujourd'hui nous allons aborder la thématique du stress. Le stress c'est quelque chose que tout le monde connaît, on en a tous déjà ressenti du stress, mais en même temps, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est exactement et quel impact ça a dans notre système, ni comment ça fonctionne et surtout à quoi ça sert. Alors depuis l'âge préhistorique, nous subissons le stress et en fait ce stress c'est quelque chose de super favorable. Le stress il permet d'enclencher plusieurs réactions physiologiques qui vont avoir pour seul et unique but de nous sauver la vie. Donc dit comme ça, le stress c'est vachement cool en fait. En gros, notre système, il passe sa vie à analyser ce qui se passe autour de nous. C'est inconscient, on s'en rend absolument pas compte et c'est hyper rapide. Chaque stimuli extérieur va engendrer une vérification de notre système dans notre bibliothèque de mémoire pour valider que ce qu'on perçoit est sécure. Si le système détecte que ce stimuli extérieur est potentiellement dangereux, eh bien il va enclencher la réaction de stress. Donc en gros, dans notre tête, à ce moment-là, il y a un dialogue, ça fait genre « Hey les mecs, ce truc-là, on l'a pas déjà vu ?»« Ah ouais, attends, c'est un chien !» La dernière fois qu'elle a vu ça, elle s'est fait bouffer la jambe, il y avait du sang partout et elle a été hospitalisée. Elle pouvait plus marcher, ça a fait trop mal et elle aurait même pu mourir ce jour-là. Vas-y, on change de trottoir. Donc pour simplifier un peu le processus, disons que nous avons un système nerveux autonome, le système qui gère le stress, avec deux branches. La branche sympathique et la branche parasympathique. La branche sympathique, c'est la branche qui est liée au stress, et la branche parasympathique, c'est la branche qui est liée à la détente. Quand une des branches est activée, l'autre elle est forcément désactivée, puisqu'on ne peut pas être serein et stressé en même temps. Ou alors vous me faites signe et j'aimerais beaucoup étudier votre cas. Donc lorsque notre système détecte que la situation est potentiellement dangereuse, eh bien la branche sympathique s'active et alors s'enclenche un processus de défense. Il y a différentes hormones qui sont sécrétées par l'organisme et puis des réactions physiologiques qui s'ensuivent. Donc par exemple, le sang qui fuit vers les extrémités pour nous permettre de courir plus vite ou de frapper plus fort. Il y a la digestion qui s'arrête parce qu'il n'y a pas besoin de digérer quand on est en danger. Le foie va sécréter du sucre pour nous donner de l'énergie. Les pupilles vont se dilater pour qu'on soit plus attentif à l'extérieur. Le rythme cardiaque va s'accélérer également et une partie de notre cerveau de la réflexion se désactive parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir et d'élaborer des stratégies quand on est en danger parce qu'à ce moment-là, notre système, il veut juste enclencher des mécanismes de défense, par exemple la fuite ou l'attaque. Et tout ça, ça se passe en quelques millième de seconde. Alors soyons clairs, ces réactions de défense, elles étaient très appropriées quand on vivait à l'âge préhistorique. Je vous donne un exemple, je sors de ma grotte tranquille, je m'étire, et là j'entends un bruit derrière les fourrés. Donc mon système se met légèrement en alerte, et boum, je vois un lion qui bondit, donc pic de stress, ma branche sympathique s'active, mes pupilles se dilatent, mon cœur s'accélère, mon sang fuit vers les extrémités, mon foie sécrète du sucre, ma digestion s'arrête, et je suis complètement prête à fuir. Je cours, je me cache dans une grotte, je ferme la pierre, tout, je suis en sécurité. Et petit à petit, mon système s'apaise, tout redevient normal, fonctionnel, ma branche parasympathique est activée. Et petit à petit, mes hormones reviennent à la normale. Vous avez peut-être déjà regardé un documentaire animalier où vous avez pu voir une gazelle, par exemple, qui est poursuivie par des prédateurs dans la nature et qui, une fois qu'elle a échappé au danger, eh bien, elle se remet tranquille à brouter de l'herbe dans la savane. Eh bien, l'idée, c'est un peu la même pour nous, c'est-à-dire qu'une fois le danger passé, eh bien, nous devrions reprendre le fil de nos activités de manière sereine et détendue. Alors autant ce mécanisme de défense, comme je le disais, il est très approprié quand on vit à l'âge préhistorique, autant désormais il l'est beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que le lion c'est devenu les bouchons sur la route, les factures à payer, mon patron, les enfants à aller chercher à l'école, le mec qui sait pas conduire devant moi, et j'en passe. Et finalement notre système il rentre dans un état de stress un peu permanent, et là où théoriquement une fois le danger passé, eh bien mon système devrait se remettre naturellement à la normale, eh bien là pour certaines personnes ça redescend jamais vraiment, et ça s'active à nouveau dès qu'il y a une contrariété du quotidien qui ressurgit. Alors remettons en perspective que dans la nature, une gazelle, elle va pas se faire attaquer 15 fois dans la même journée. Par contre, à notre époque, l'époque des contrariétés, eh bien on en a plus d'une en une journée. À tel point que à force de tout le temps activer la branche du stress, eh bien on finit par la muscler et on devient stressé beaucoup plus facilement et rapidement et donc moins tolérant aux situations imprévues. Alors vous imaginez bien que notre système, il n'est pas conçu pour subir le stress de manière permanente et que tout ça, ça va finir par épuiser notre système et nos ressources. Donc concrètement, au quotidien, ça peut se traduire par des pertes de mémoire, on trouve plus ses mots, on se sent un peu bête parce que notre néocortex, le cerveau de la réflexion, il est en partie désactivé, donc on n'a plus accès à ça. On peut aussi avoir des problèmes de diabète et de cholestérol parce qu'en fait, notre foie, il sécrète du sucre et notre digestion, elle n'est pas bonne et on a donc une mauvaise assimilation des aliments qui va causer peut-être différents problèmes de santé. On peut également avoir une mauvaise gestion émotionnelle, donc pleurer plus facilement, s'effondrer face à une difficulté ou encore être facilement irritable. Et à terme, eh bien, tout ça, ça peut mener au burn-out ou à la dépression parce que le système, il en peut vraiment plus. Alors, il est donc important d'apprendre à écouter notre système. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est stressé et à force d'être comme ça, eh bien, ça devient normal et on croit que c'est notre mode de fonctionnement classique. Alors super, me direz-vous, maintenant je sais que je suis potentiellement stressé, que ça peut avoir un grave impact sur ma santé, ma gestion émotionnelle, que je peux même tomber en dépression, c'est bien joli tout ça, mais que faire ? Ok, pas de stress, j'y viens, mais avant ça, j'aimerais vous parler encore un petit peu du cerveau. On peut décomposer notre cerveau en trois parties. Tout d'abord, on a le cerveau reptilien qui est en commun avec les reptiles. Ça nous permet de gérer les fonctions automatiques de notre système, comme par exemple la respiration et la digestion par exemple. Donc voilà, c'est fait, c'est dit, vous avez le même cerveau qu'un lézard. Heureusement, ça s'arrête pas là. On a également le cerveau limbique qui nous permet de gérer nos émotions et dans lesquelles sont stockés nos souvenirs. C'est ce cerveau qui gère la réaction de stress et qui gère ou qui gère pas d'ailleurs les émotions. En tout cas, c'est là que c'est centralisé. Et enfin, on a le néocortex, le cerveau de la réflexion qui nous permet de relativiser, d'élaborer des plans, des stratégies. Et c'est un peu ce cerveau-là qui fait qu'on a l'air intelligent. Alors, faut comprendre que notre cerveau émotionnel, le cerveau limbique, il est vraiment bête parce qu'il fait pas la différence entre quelque chose que nous sommes en train de vivre, quelque chose auquel nous repensons ou quelque chose qu'on est en train d'imaginer. Et c'est pour ça que on peut arriver à stresser pour un événement qui n'est pas encore arrivé. Alors, j'imagine que ça s'est produit au moins une fois dans votre vie d'anticiper un événement ou un examen important qui n'est pas encore arrivé. Et puis, vous avez stressé peut-être pour ça alors que vous étiez tranquille chez vous et qu'il n'y avait rien de grave qui était en train d'arriver. Vous étiez juste en train d'imaginer cet événement important en train de se réaliser et c'est ça qui vous a fait stresser et donc ressentir de la peur. De la même manière, si vous vous mettez à imaginer quelque chose de joyeux, je sais pas, que vous avez vécu, qui s'est bien passé, eh bien vous allez avoir le sourire et peut-être même que vous allez éprouver de la joie. Par exemple, si je me mets à me rappeler de la dernière connerie que mon chat a fait, eh bien ça va me faire beaucoup rire alors qu'actuellement mon chat là, il est pas avec moi. Pour vous donner un autre exemple, imaginez, il y a des bouchons sur la route, vous devez aller chercher votre enfant à l'école par exemple, et ce qui vous fait stresser, c'est pas les bouchons en fait, c'est d'imaginer que vous pourriez être en retard pour aller chercher votre enfant à l'école, et donc c'est l'histoire que vous vous racontez, ce que vous imaginez, que par exemple vous allez payer un supplément à la garderie, ou alors qu'ils vont vous laisser votre enfant sur le trottoir, donc c'est ça qui vous fait stresser, pas ce qui est réellement en train de se passer dans l'instant, mais vraiment plus ce qui pourrait potentiellement se passer si vous arrivez en retard. Et on passe vraiment notre vie à faire ça, anticiper des scénarios. Il faut également comprendre qu'on a plus de 60 000 pensées chaque jour et que 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Autrement dit qu'elles sont complètement inutiles et que ces pensées, eh bien, nous amènent dans des souvenirs passés ou dans un futur probable. Et comme notre système, il va plus facilement se concentrer sur le négatif pour nous permettre de survivre, eh bien, toutes ces pensées, elles sont loin d'être favorables et elles vont pour la plupart du temps enclencher un mécanisme de stress. Et donc, on va facilement ressasser la réflexion de notre collègue de bureau qui nous a blessés ou encore imaginer des centaines et des centaines de fois cet entretien que nous devons passer la semaine prochaine, ce qui va concrètement générer des émotions difficiles et du stress. Alors parlons maintenant de solutions. Un de mes outils préférés, c'est la méditation pleine conscience. Alors méditer en pleine conscience, c'est quoi ? Eh bien, ce n'est pas être assis en tailleur en vénérant des figures religieuses bouddhistes, non. C'est simplement être attentif à ce qui est ici et maintenant. Alors la méditation pleine conscience, je précise, c'est a-religieux, autrement dit, ça ne dépend d'aucune religion. Ok, vous me direz, c'est bien beau être ici et maintenant, mais concrètement, comment on fait ? Eh bien, c'est simple, il suffit d'être concentré à un de ces cinq sens. Alors je vous rappelle, les cinq sens, hein, vous les avez vus en maternelle, bon, comme c'est loin, je vous les redonne, il y a le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue et le goût. Donc par exemple, si vous êtes présent au son que vous entendez, eh bien vous êtes forcément dans l'instant présent puisque le son entendu est en train de se produire. Quand vous êtes attentif à votre main posée sur votre cuisse, eh bien vous êtes forcément attentif à l'instant présent puisque c'est ici et maintenant que c'est en train de se passer, ce contact entre votre main et votre cuisse. On peut méditer assis, le dos bien droit, vous mettez une alarme par exemple au bout de 5 minutes, vous choisissez un de vos 5 sens sur lequel vous concentrez, et à chaque fois qu'une pensée pensée vient, eh bien l'idée c'est de vous reconcentrer sur la sensation de votre main sur votre jambe par exemple. Mais vous pouvez également méditer en faisant des choses. Par exemple, si vous êtes en train de prendre votre douche, eh bien prenez le temps d'être attentif au bruit de l'eau ou à la sensation de l'eau qui coule sur votre corps. Ou encore quand vous buvez votre café, eh bien soyez attentif au goût du café, voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous l'avalez, où ça passe dans votre gorge, etc. Alors je vous dis tout de suite comment ça va se passer pour une partie d'entre vous. Donc vous allez vous mettre assis, vous allez poser vos deux mains sur vos cuisses, puis vous allez vous dire « Ok, je vais me concentrer sur la sensation de ma paume de main sur ma cuisse. » Et puis au bout de 3 secondes, vous allez avoir une pensée qui va vous dire « Oh là là, qu'est-ce qu'on se fait chier, faisons autre chose !» Et là vous allez vous dire « Non, non, non, attends, je me reconcentre sur la sensation de ma main sur la cuisse. » Et puis 3 secondes plus tard, vous allez avoir une nouvelle pensée qui va vous dire « Hey, au fait, t'as fermé la voiture à clé ?» Et de cette pensée, vous allez avoir des bébés pensées. Oh, « Souviens-toi Catherine, elle avait pas fermé sa voiture à clé. » Et on lui a volé sa voiture. Et là, vous allez imaginer qu'on vous vole votre voiture et toutes les démarches à faire vis-à-vis de l'assurance, aller porter plainte, etc. Et puis là, votre alarme va sonner et vous allez vous rendre compte que vous avez complètement oublié l'objectif de l'exercice et que vous vous êtes fait emporter par votre flot de pensées. Eh bien, c'est pas grave. Finalement, ce qui est important, c'est ce mouvement qui vous fait revenir à la sensation de votre main sur votre cuisse et vous allez, en quelque sorte, vous muscler à chaque fois que vous ramenez votre esprit dans l'instant présent. Et il va falloir faire ça des milliers de fois pour que ça devienne habituel et que petit à petit, votre esprit ne vous entraîne plus dans son monde. D'ailleurs, il y a plein d'études scientifiques aujourd'hui qui parlent des effets de la méditation pleine conscience. Je vous laisse regarder sur Google ce qu'en disent les experts. En tout cas, le but de la méditation, c'est vraiment d'aider votre système à être moins dans le futur ou le passé, ce qui a pour effet d'apaiser le stress, puisque la majorité du temps, dans l'instant présent, tout va bien dans notre vie. Pour ceux qui aiment bien avoir un support pour méditer, il existe plein d'applications qui permettent d'être accompagnés. Il y a par exemple 7Mind, 7 M-I-N-D, Petit Bambou, Headspace, H-E-A-D-S-P-A-C-E. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux au niveau des exercices proposés et des voix. Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour 7Mind, j'adore la voix de Jonathan Lehman et je trouve que les audios sont ce qui se rapproche le plus de la méditation au sens propre. Et puis, j'aime bien également l'application Headspace qui permet de choisir de méditer entre 3 et 20 minutes, parce qu'on a tous 3 minutes par jour pour méditer, soyons honnêtes, pas d'excuses. Alors ne croyez pas tout ce que je vous ai raconté, amusez-vous simplement à méditer 5 minutes par jour pendant un mois et puis on en rediscute. Et puis pour ceux qui ont vraiment tout essayé pour apaiser leur stress sans succès, eh bien je vous dirais de vous intéresser à votre passé ou encore de vous faire accompagner parce qu'il existe toujours des solutions. En attendant, je vous souhaite une belle expérimentation de la méditation pleine conscience et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique, je m'en tape. Je m'en tape. Je m'en tape. C'est comme ça, je m'en tape.